Yeah. Un gris. 9. 1. Les mots d'un bon lusard. Yeah. La banlieue me détruit, elle fait de moi ce que je redoute. Elle m'empêche de m'épanouir, elle m'éloigne de l'amour. Malgré la joie que je dégage en apparence, mon sourire est un faux. Mon cœur a perdu l'espérance d'avoir gagné le gros lot. La vie me fait des coups bas, je tombe, je me relève, mais je n'ai plus la force, car ma force est échappée de mon corps. Je n'arrive plus à lever la tête pour me battre, yeah. Un jour, je finirai par devenir fou, car aucun homme ne peut survivre sans amour. Sans blague, je ne peux plus supporter ces coups de pute et le reste, car si la vie me déteste, qu'elle le dise et je laisse la mort m'emporter. Yeah. Les gens autour de moi ne comprennent pas ce qui m'arrive, c'est mal de vivre. Si je continue à ce rythme, la haine prendra vite le pas. Mon cœur ne bat plus, mes poumons ne respirent plus, mon sang ne circule plus, car ma peine est en surplus. Les peurs prennent place dans mon cœur, les mœurs de ma vie confirment mon bonheur. Ça c'est les mots d'un banlieusard venu d'ici, d'une ville où la vie paisible est impossible. Dans mon cœur c'est la guerre, on se croirait dans un western. La joie s'est fait tuer par la peine, la gentillesse s'est fait charcler par la haine. Je ne me reconnais plus, la banlieue prend le dessus. Mes idées, mes projets, mon avenir, tout est foutu. Quoi que je fasse, ma vie est toute niquée, car la porte du bonheur s'est refermée sur mes pieds. Les portes du paradis sont fermées à jamais, seules les portes de l'enfer demeurent ouvertes. Yeah, les mots d'un banlieusard, l'âme de mes textes a mal. Yeah, un gris. La banlieue nous détruit, elle fait de nous ce qu'on ne doit pas être. Des gens qui n'ont en eux que la haine, ils sont perdus, loin de la joie de vivre. La haine a pris place en eux, comme les dieux ont pris les cieux. La rue nous fait défaut, ses vertus sont les nôtres, mais ses vertus font de nous des monstres qui ne connaissent que la haine et l'ombre. Regroupons nos forces pour combattre ce malheur qui s'abat sur les cités et qui nous brise le cœur. Merde, j'en ai marre de subir les désirs de la banlieue. J'aimerais plutôt qu'elle me traite comme son dieu. Les douleurs de la banlieue en moi se reflètent, car la rue de la banlieue mène droit aux enfers. Je me battrai jusqu'à en mourir, même si pour ça je dois souffrir. Je ferai tout pour être libre, être bien posé, plein de joie de vivre. Pouvoir prendre le bonheur dans mes bras serait la meilleure chose qui soit. Le malheur n'a plus lieu d'être ici, le bonheur l'a viré de nos vies. La joie envahit mon cœur, maintenant de joie il pleure. Mon âme a retrouvé la paix, mon cœur retrouve la force qu'il perdait. Il ne manque plus qu'une chose à présent, redevenir comme j'étais auparavant. Car avant j'étais un jeune, épanoui, ébahi, plein de vie et qui respirait la joie de vivre. Yeah. Mais depuis pas mal de temps, je n'étais plus, car ma peine dans mon cœur est en surplus. Aujourd'hui, cette peine a disparu, et mon âme, déchue, résiste et perdure. J'ai trouvé la flamme qui raviva le feu, qui dans mon cœur s'était éteint, comme se fermaient mes yeux. Mes lyrics sont toujours mélancoliques, car mes rimes doivent retrouver la bonne rythmique. Yeah, Ingris, le mot d'un banlieusard. Yeah. 9-1. La banlieue nous détruit, elle fait de nous ce qu'on redoute, nous éloigne de l'amour. Yeah. Mes lyrics sont toujours mélancoliques. Yeah. Les mots d'un banlieusard. Un gris.